À Noël, les parties de Noël. Y en a-t-il qui ont vécu le party de Noël dans un état différent cette année? Party de Noël cette année, il ne va pas être comme l'an passé puis les années avant. Fait qu'imaginez-vous l'an prochain, puis dans 5 ans, puis dans 10 ans, il n'y en aurait plus de party de Noël, Charlie. Ça va être votre propre party de Noël, avec des gens qui sont dans votre terre. C'est une Noël vibratoire, là, on n'a on a pas à en sortir, là-dessus. Après, un enfant de son relax, c'est quand même pas des personnalités, parce que tu veux. Ah! Un enfant, surtout s'ils sont dans d'autres rapprochés, tu vois qu'il y a des différences, et puis faut que tu les ajustes. L'homme ne doit jamais dépersonnaliser l'homme. C'est l'énergie qui dépersonnalise l'homme et qui lui reconstitue une personnalité réelle. La fonction de l'homme, c'est d'amener l'homme ou un enfant. À son intelligence, à sa sensibilité, et ainsi de suite. C'est ça la fonction des parents. Toujours respecter leur individualité. Quand ces enfants-là seront suffisamment avancés dans le champ de leur propre énergie, l'énergie changera de personnalité, les dépersonnalisera pour leur recréer une personnalité réelle. Si tu n'as plus que un ou deux, trois enfants, tu vois que ça peut être le beau par limite, c'est complètement différent. D'accord. Les deux, tu vas rencontrer en même temps que les mêmes limites, tu vas t'ajuster. C'est juste. Mais c'est toujours en fonction de ton état, pareil. Et en fonction de votre propre individualité. Tu respectes, vous, l'individualité d'un enfant? Seulement, il faut qu'il respecte la tienne. Quand tu dis que dans un couple, un est conscient, l'autre est inconscient, puis que l'enfant est élevé, tu ne peux pas créer l'état? Dans un couple où l'un est conscient et l'autre est inconscient, tu ne peux pas créer l'état? Non. Non, tu peux avoir un esprit de famille, mais tu peux pas créer des terres. L'esprit de famille, c'est ce qui est de... À ce moment-là, tu peux pas amener l'enfant. Non, non, parce que tu peux pas créer des terres. Pour créer un état, il faut que tu sois deux. Ou il faut que tu sois seul. Si t'es deux, mais à ce moment-là, si t'es conscient, ton mari est inconscient, puis tu le mets ton mari, à ce moment-là, tu peux créer d'une façon optimale un bel esprit de famille. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous autres qui ont des parents qui sont, des maris qui sont bien comme du monde, puis des femmes qui sont bien comme du monde, qui sont très gentilles, ça ne s'intéresse pas sur les niaiseries de Bernard Montréal, mais ce sont des gens qui sont très bien. À ce moment-là, vous pouvez avoir un très bel esprit de famille, mais vous ne pouvez pas créer des terres. Si la mère est séparée du mari, puis qu'elle est seule à l'appartement, puis qu'elle voit ses enfants, qu'elle vit avec ses enfants, toute seule, elle va créer son propre terre. Il ne faut pas qu'il y ait de conflit quand on est séparé. Non, mais non, c'est ça. Et quand tu ne sois pas avec l'autre, ça m'intéresse parce que je sais que beaucoup de gens sont séparés. D'ailleurs, de couple, beaucoup de gens sont séparés. Ah, tu peux pas créer l'état. Oui, tu peux créer l'état. Si tu es seul avec tes enfants. Si tu es seul avec tes enfants. Ouais. Le problème, c'est que quand on est seul, c'est qu'avant de créer l'état, il faut qu'il y ait une séparation émotive entre la mère et les enfants. Ça, c'est le père qui le fait actuellement. Fait quand la mère a laissé ses enfants seuls, ben, ce qui est difficile, c'est que très souvent, la mère, elle va prendre ses enfants comme ils ont peau et tu comprends les interventions. Fait que le petit enfant devient le papa de la maison ou devient l'homme de la maison, c'est évidemment. Là encore, il n'y a pas possibilité de créer des pères. Il faut qu'il y ait indépendance, autonomie complète du corps émotif, du corps astral, du zélie de l'enfant. Il ne faut pas aimer l'enfant. Bon, on ne va pas écrire ça dans les livres. Ça, c'est plus dur. C'est plus dur de la mère avec ça. Parler d'un état collectif, tantôt, un exemple d'un état collectif qui est disparu, qui n'a jamais été reconstruit. C'est autrefois, l'enseignement était distribué par des religieux, des frères, et puis presque tous ces frères-là sont sortis, puis sont réengagés comme enseignants laïcs, et puis ils n'ont jamais été capables de reconstruire un état comme celui qui est disparu. Le dévouement, c'est ça. Ça faisait partie de cet état-là? C'est un état spirituel, mais c'est un bel état. Avec ses failles, mais c'est un bel état. Ça amène vers plus. Ouais. À l'actuel, c'est... Ouais. C'est du dévouement aujourd'hui, il n'y en a plus. Non, on regarde les cégeps, on regarde les jeunes, mais ils sont assis à terre. Là. Ouais. Ouais. C'est un autre... Ça, on parle toujours. Ça fait partie de l'évolution. On parle de l'évolution de la conscience supplémentaire, etc. OK. On parle d'une nouvelle condition de vie, ainsi de suite.